Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Par Éric Simon. Encore une chose curieuse observée au centre de notre galaxie. Il s'agit cette fois-ci d'un groupe d'étoiles qui se trouve être très jeune. Trop jeune pour être là où elles sont. C'est-à-dire à très grande proximité du trou noir supermassif Sagittarius A étoile. Mariam Habibi, du Max Planck Institute für Extraterrestrische Physik à Garching, et ses collaborateurs ont étudié la région très centrale de notre galaxie, dans un rayon de 0,04 parsec, 0,1 années-lumière, autour de Sagittarius A étoile. Cette région proche du trou noir supermassif est très peu propice à la formation d'étoiles. C'est pourtant ce qu'observent les astrophysiciens. Ils ont accumulé près de 12 ans d'observations spectroscopiques en infrarouge de haute résolution, discontinues dans le temps, et focalisées sur 8 étoiles orbitant tout près du centre de la Voie lactée. Ces étoiles sont les plus proches du trou noir et les plus brillantes parmi le groupe d'étoiles appelé les étoiles S, qui en comporte quelques dizaines. Parmi les 12 étoiles S les plus proches, S3, S5, S10 et S11 ont été exclus de cette analyse. Les astrophysiciens ont utilisé pour cette observation un spectrographe nommé Symfony, qui est monté sur le VLT, le Very Large Telescope de l'ESO. Comme dans cette zone, les nuages de gaz ne peuvent pas facilement se condenser pour former des étoiles du fait de l'influence gravitationnelle de Sagittarius A étoile, les astronomes ont longtemps pensé que les étoiles proches devaient s'être formées plus loin et s'étaient ensuite rapprochées tout en pouvant paraître plus jeunes qu'elles ne le sont via des fusions d'étoiles, un échauffement de marée ou encore un effet de perte d'enveloppe. Mais Habibi et ses collaborateurs, dont l'article vient d'être accepté pour publication dans The Astrophysical Journal, réussissent à déterminer tous les paramètres des étoiles étudiées. Leur température, entre 21 000 et 28 500 Kelvin, leur vitesse de rotation intrinsèque, entre 60 et 170 km par seconde, leur gravité de surface, entre 4,1 et 4,2, et donc leur masse, entre 8 et 14 masses solaires. Et donc finalement leur âge. Et là, surprise! Toutes les 8 sont âgées de moins de 15 millions d'années. Et parmi elles, l'étoile nommée S2 n'a que 6,6 millions d'années. Les astrophysiciens excluent tout phénomène de masquage de leur âge réel. Le problème, c'est que l'on ne comprend pas comment des étoiles si jeunes peuvent se retrouver aussi près du trou noir supermassif central de notre galaxie. Une première idée pour expliquer la présence de ces étoiles était qu'elles auraient fait partie dans le passé de systèmes binaires éloignés du centre galactique et qui auraient été déstabilisés gravitationnellement. Les étoiles du couple étant alors envoyées chacune dans une direction différente, projetant l'une des deux vers le centre de la galaxie, où elles pourraient être attrapées dans le champ gravitationnel de Sagittarius A étoile. Mais un tel processus prend du temps pour voyager d'un point de la galaxie jusqu'au centre, et certainement trop de temps par rapport au jeune âge des étoiles en question. Donc, les étoiles S ont dû se former à proximité de Sagittarius A étoile, peut-être dans un disque de gaz et de poussière qui serait en orbite de Sagittarius A étoile à environ 1 parsec, 3,26 années-lumière. En naissant à cette distance, elles pourraient ensuite migrer plus près du trou noir. Mais, d'après les chercheurs, même ce processus pourrait se révéler encore trop long vis-à-vis de la dizaine de millions d'années de ces étoiles. Mariam Habibi l'a confessé à la revue New Scientist, « Nous sommes face à un paradoxe ici. Nous devons maintenant trouver une nouvelle théorie pour pouvoir répondre à la question de comment ces étoiles aussi jeunes peuvent se trouver là. » L'article de Mariam Habibi et ses collaborateurs va bientôt paraître dans The Astrophysical Journal. Il a pour titre 12 Years of Spectroscopic Monitoring in the Galactic Center, the closest look at the S star near the black hole. Je mets le lien du préprint que vous pouvez lire, car c'est libre, sur Archive, donc en bas du billet, sur Ça se passe là-haut, le blog. D'ici la prochaine, portez-vous bien, hein, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut !